Demandez le programme. Je joue à la police ce soir, tu viens? Bien sûr, j'ai 2 jours de congé. Jack pourra jouer? Sans problème, c'est prévu, les gars sont prévenus. Si ça fonctionne bien entre l'orchestre et lui, on remettra ça. Formidable, ça va en jeter sur son CV à Paris. Tu l'as dit, Bouffi. Un sitting aux USA, c'est comme un bœuf en France. Un invité surprise demande la permission de jouer quelques morceaux. Généralement, les jazzmen ne sont pas friands de la chose. Maxime a néanmoins bien préparé l'entrée de son poulain. Les gars sont mis en confiance. Le petit trompettiste de 16 ans va pouvoir s'éclater. À Warrenton, tous s'entassent dans la Fiat Spider. Heureusement que les binious, trompettes et clarinettes ne prennent pas de place. On arrive juste à caser 3 brosses à dents, 3 pyjamas et une serviette de bain. Pour autant qu'il ne se mette pas à pleuvoir, la route devrait être belle. La serviette est là au cas où, car depuis que Maxime a acheté ce nouveau char, comme disent les Canadiens, ils ont déjà constaté à leurs dépens que la capote fuyait. 3 heures plus tard, ils y sont. Annapolis est un ravissant petit port de pêche situé sur la baie du Chesapeake, entre la ville de Washington DC et le Delaware. Maxime a loué une chambre pour eux trois dans une auberge à proximité. Il n'a pas du tout envie de faire la route à 6 heures du matin. Faustine est contente car cela veut dire que le lendemain, ils pourront visiter la ville et le bord de mer. Peut-être même manger du crabe, pourquoi pas. Maxime monte prendre une douche et se changer. Les musiciens arborent un costume classique, blazer bleu sur pantalon gris. Il redescend tout joyeux. Dans un des tiroirs de la commode, il a trouvé une pile de chemises neuves à sa taille, oubliée par le client précédent. Évidemment, il ne les a pas remises à la réception, ce n'est pas son genre. Faustine regarde son homme d'un air sur deux airs. Un scénario se profile en quelques secondes. Elle imagine ses chemises habitées de la personnalité d'un autre homme, supplantant peu à peu celle de Maxime. Et si c'était un psychopathe, l'autre? On peut aller loin comme ça. L'idée est bonne, il faudrait l'écrire, en faire un thriller. Ah, si seulement elle avait du papier, une plume et du temps. Pourquoi est-on toujours inspiré au mauvais moment? L'idée est là pourtant, mûre, chaude, prête. Oui, mais d'abord il faut. Trois petits mots, on y. Faire la vaisselle, la lessive, le repassage, puis passer l'aspirateur. Du coup, l'inspiration se fait la malle. Pourquoi une femme ne peut-elle pas, comme les hommes, faire passer l'important d'abord? À savoir l'art, le talent, la créativité. Est-ce qu'il est vraiment plus utile de faire du ménage que d'écrire sa vie, une histoire, un roman? Que de temps perdu! Pauvre femme, pauvre Faustine! Heureusement, à défaut d'écrire, elle aura vécu pour le raconter plus tard. Prise dans ses réflexions, elle n'a pas fait attention à ce jeune couple venu s'installer derrière elle. L'homme se met soudain à parler en français. À sa jeune épouse, enceinte jusqu'aux oreilles, il raconte l'histoire des origines du jazz. Son français à elle est plus approximatif quand elle lui répond. À la pause, Maxime s'approche d'eux pour les saluer. Il les a déjà vus et les présente à Faustine. David et Lydia. David est journaliste, détaché par Paris Match à la Maison Blanche. Il correspond avec d'autres journaux, mais en général, il passe ses journées à attendre les déclarations présidentielles, à suivre la politique générale et à flairer les éventuels scoops. Le couple vit à Washington depuis 5 ans. Ils ont déjà un fils de 3 ans et espèrent que le bébé à venir sera une fille. Faustine regarde le ventre de Lydia avec envie. Spontanément, elle organise un repas à Warrenton. Qui sait si ça ne donnera pas des envies à Maxime? La soirée à la taverne bat son plein. Comme prévu, Jack fait un tabac. Mais ce n'est pas qu'il soit particulièrement doué, d'après Maxime. Mais avec ses boucles brunes et ses yeux de braise, son mixage franco-turc d'une beauté époustouflante, c'est sûr, il en fait craquer plus d'une. Un jour, sa mère a raconté à Faustine que les vendeuses du bon marché se disputaient le privilège de garder ces petits garçons tant ils étaient beaux. Elle n'a jamais eu besoin de les mettre à la crèche ni à la garderie. » Faustine rigole. Quelques années plus tard, ça se retrouve. En attendant, il aura profité de son séjour, le Jack. Après une bonne nuit et un brunch royal, le trio passera la journée sur le Mall à Washington afin de visiter quelques musées. Ceux de la marine et de l'aviation passionnent particulièrement le jeune homme. Sur la route du retour, il passe devant le Pentagone. Maxime raconte l'histoire d'une des secrétaires du bureau qui y a travaillé. Quand Donald, le grand patron, a exigé des références, niette, impossible d'en avoir. C'est comme si la jeune femme n'avait jamais existé. Maxime pense que c'est normal quand on travaille pour l'armée ou pour les services secrets. Forte de ces informations, Faustine se dit que c'est bien pratique. Elle aussi, elle mettra Pentagone sur son CV plus tard. On peut écrire n'importe quoi finalement. Qui vérifiera? Après un week-end aussi dense, Faustine a du mal à reprendre le train-train du restaurant. D'autant que Maxime vient d'entraîner Jack dans un road trip mouvementé. En l'espace d'une semaine, il lui fait visiter New York, Philadelphie et tout ce qu'il n'avait pas vu de Washington. Chaque soir, il joue dans des clubs, des restaurants ou des tavernes. Ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Jack est ravi, il accumule les expériences. Entre deux virées, Faustine fait la lessive afin que la maman du jeune homme le retrouve aussi propre au retour qu'à l'aller. La maison de Warrenton n'étant pas pourvue d'une machine à laver, seulement d'un lave-vaisselle en panne, Faustine, comme elle le faisait rue Mouffetard, amène le linge au lavomatique. Celui de Warrenton est vraiment génial. On pourrait faire 6 mois de lessive dans une seule machine tant elles sont grandes. Tout s'exécute dans la même, lavage et séchage. Par contre, elle ne repasse pas. Les Américaines n'aiment pas ça du tout. Elles se débrouillent toujours pour choisir des vêtements adéquats. Si Faustine leur dit qu'elle adore ça au point de repasser même ses petites culottes, elles se moquent d'elle. Lorsqu'elles ne travaillent pas et que Maxime et Jack sont absents, Faustine retrouve les filles du bureau. En attendant la pause, elle range un peu la cuisine. Il y a toujours des tasses qui traînent à moitié pleines de liquide moisi. Ce sont des mugs personnalisés d'épigrammes parfois originaux. Elles sont vraiment gentilles, toutes ces femmes, malgré leur comportement bizarre. Stéatopiges pour la plupart, du fait de leur longue station assise. Elles enchaînent les régimes. Un yaourt, un pamplemousse, etc. Pamela Grover, chef comptable d'origine britannique, relativement mince, contrairement aux autres, s'amuse à creuser un trou au milieu d'une énorme tranche de pain de mie avant d'y casser un œuf. Elle appelle ça un Popeye. Karen, Sandy, Marilyn et les autres se gavent de carottes trempées dans une sauce au yaourt. 3 jours plus tard, elles se précipiteront dans une boulangerie et se ramèneront avec une dizaine de donuts pour, dès le lendemain, tenter le dernier régime vanté par la radio. Résultat yo-yo garanti. Faustine n'a pas tous ses problèmes. Elle fume, boit et préfère un calva et une cigarette à n'importe quel dessert. Ce n'est pas très difficile d'ailleurs. L'autre jour, Colin l'a invitée à la douche de fiançailles de Sandy. Vous savez, ces parties où tout le monde se planque dans le placard à balai pour en sortir comme un diable de sa boîte en criant « Surprise !» au moment où la victime désignée paraît. Évidemment, Sandy était parfaitement au courant, mais elle a gentiment joué le jeu, faisant semblant d'être prise au dépourvu. Elle a poussé un grand cri, « Bonjour les décibels », et applaudi des deux mains. Il y avait une table couverte de cadeaux et une autre de gâteaux. Les nanas avaient mis le paquet. Entre 2 plaques de brownies, blanc et brun, le grand rectangle du milieu, une génoise à la fausse vanille recouverte d'une épaisse couche de sucre glace vert pomme, portait la mention « Joyeuse fiançailles à Sandy et Brian » dessinée en rose. Une simple erreur. Pour qui se targue de respecter le bon goût français, bien entendu. Si Maxime avait été là, il aurait bien ri aussi. Mais hélas, c'était des festivités pour gonzesses uniquement. Il n'y avait même pas d'alcool, alors qu'aucune grossesse n'était déclarée. Pas même la mention BYOB, Bring Your Own Booze, apportez votre propre gnôle, sur le carton d'invitation, comme quand on va chez des fauchés. Le sac de glaçons acheté par Colline à la station-service n'a refroidi que le thé. Du coup, Faustine n'a rien mangé ni bu. Sandy a déballé tous ses cadeaux l'un après l'autre. Elle a été gâtée. Elle a reçu de la vaisselle, divers produits de nettoyage, des serviettes de toilette et des draps de lit. Un véritable trousseau. Faustine trouve très chouette cette manière solidaire de compenser les salaires misérables et la pauvreté ambiante. Sandy, en tant que secrétaire, gagne 4 ou 5 fois de moins que Maxime. Elle a de la peine à nouer les deux bouts et son mari n'est pas mieux loti. Comme beaucoup, il cumule les petits boulots pour s'en sortir et le moindre imprévu bouleverse dramatiquement leur fragile équilibre budgétaire. Franchement, ce n'est pas ainsi que Faustine imaginait la réalité américaine. Socialement, ils sont infiniment moins gâtés que les Français, principalement les Noirs. Faustine trouve dégueulasse de les avoir importés de leur brousse pour les réduire en esclavage, puis en faire des chômeurs. Les gens d'ici ne s'en offusquent pas. Ils trouvent même que ce sont des paresseux. Difficile de comprendre tant d'injustices. Voilà. Jack est reparti à Paris et Maxime, après l'avoir accompagné à l'aéroport, est monté tout droit dans le Delaware, enseigner aux gars de la CIA les subtilités de sa spécialité. Faustine travaille tant et plus. Quand elle a fini au restaurant, elle fait un détour par la bibliothèque. Ne pouvant se passer de bouquiner, il a bien fallu qu'elle s'habitue à lire en anglais. Heureusement, elle a trouvé de la littérature accessible. Comme cet auteur de romans policiers britanniques qu'elle apprécie tant, Desmond Bagley. C'est marrant, comme il débute toujours ses romans de la même manière. Son héros doit mener une enquête d'un bout à l'autre de la planète. Évidemment, comme tout détective privé qui se respecte, il est fauché. En conséquence, l'auteur se débrouille pour qu'un sponsor inattendu pose les dollars sur la table dès les premières pages. L'intrigue peut démarrer. Facile, non? Ah, si c'était comme ça dans la vraie vie. Ceci dit, ces histoires sont bien foutues. On en a même fait des films. Au boulot, par contre, il arrive que Faustine se plante. L'autre jour, on lui a demandé des champignons farcis. C'est à la mode en ce moment. Mais Faustine trouve la moutarde américaine, un composant de la recette, tellement infecte qu'elle décide de leur donner une leçon d'épicurisme à ces bandes d'ignares. Elle leur fait ça à la française, avec tout le tralala de la grande cuisine. Ben, le client n'a pas apprécié du tout. Et renvoyer son plat aussi sec. Bridget s'est gentiment moquée tout en soulignant l'importance du respect des recettes de base. Faustine ne dramatise pas, elle sait que sur la durée, elle finit toujours par devenir la meilleure.